de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gamezo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. On m'a un jour demandé pourquoi je voulais devenir animatrice radio. Alors j'ai répondu que je voulais donner la parole à ceux qui n'en ont pas et mettre en lumière ceux qui sont dans l'ombre. Alors les animaux peuvent se faire comprendre, mais malheureusement ne peuvent pas parler, sauf dans les dessins animés. Et encore, quand on voit Tom et Jerry, mais ils arrivent encore à se faire comprendre. Alors aujourd'hui, dans nos studios, je suis avec Nelly et Chantal. Bonjour, comment allez-vous ? Bonjour. Bonjour, ça va très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Oui, bonjour, je suis Nelly, donc je suis la présidente de l'association Chasse en famille de Remiremont, qui a été donc fondée en février 2018. Donc, nous sommes là pour nous occuper des chats errants, les stériliser, les identifier afin d'éviter une grande prolifération hein, dans les rues et tout. Quand ils sont stérilisés, on les remet sur site, mais on continue à les nourrir, à les soigner hein, s'ils sont malades. Qu'est-ce qu'on fait aussi ? On va intervenir dans le milieu scolaire, périscolaire, justement pour sensibiliser le tout jeune public. Mmh. On essaye aussi par on fait des collectes, cette année on a fait le forum des associations, donc on essaye aussi de sensibiliser les personnes à l'importance, la très grande importance de la stérilisation et l'identification, car malheureusement d'année en année ça ne s'améliore pas, au contraire ça régresse, donc il faut absolument stopper ça. On aide aussi les gens à faible revenu, s'ils ont à stériliser leur chat, on essaye comme on peut, parce que malheureusement, on a les budgets financiers quand même assez, c'est pas facile. Faut dire qu'on arrive à gérer l'association qu'avec seulement des dons, hein. Sinon, voilà. Alors, je voulais vous demander, est-ce que la prolifération des chats errants, ça serait pas dû aux personnes qui n'ont pas vacciné leurs chats domestiques, stérilisés, pardon ? Non, malheureusement, je vous dis d'année en année, cette année, on a trouvé que la situation était vraiment catastrophique, comme partout. Je pense que c'est la mentalité des gens qui ont changé. Donc, il faut absolument revoir ça. Et donc, je pense que justement, les jeunes enfants... Eh ben, vont expliquer certaines choses à leurs parents, mm-hmm. Et peut-être ça fera un bien quelque part. Non, je pense que c'est malheureusement ça. Bon, il y a eu les effets, malheureusement, des deux années de Covid. Mm-hmm. Donc, plus d'abandon. Là, cette année, les gens pouvaient partir en vacances. Donc, voilà. Il y a une forme d'égoïsme après. Les gens, ils n'arrivent plus. Je veux dire, un animal, ils ne comprennent pas qu'un animal, c'est quand même un être vivant qui, et qu'il faut, c'est une certaine responsabilité. Hein, c'est pas, voilà. Donc, je pense que voilà, c'est surtout ça, la mentalité des gens qu'il faut. Il y a de plus en plus d'actes de cruauté, de maltraitance, voilà. Et il faut aussi, je pense que si une personne n'est pas capable d'assumer un animal. Il faut absolument pas la laisser faire. Bon, là, il nous arrive. Hein, et c'est assez fréquent. On refuse des adoptions. Parce qu'on ne va pas mettre... en plus, les gens qui ont déjà peu de moyens, qui ont déjà un chat, on ne va pas leur redonner des frais supplémentaires en sachant qu'un jour, ils n'arriveront pas à assumer et on va retrouver les chats dehors. Hein. Voilà, donc c'est ça, ça c'est très important. Il faut savoir dire non, on n'est pas. Et puis pour le bien de l'animal et de la personne. Voilà. Et puisqu'il y a beaucoup de familles qui prennent des chats pour faire plaisir aux enfants, finalement, voilà. C'est pas les parents qui s'en occupent finalement. Voilà, mais une fois, quand c'est petit, c'est beau. Et une fois que ça grandit, ça abîme aussi. Ça tire les rideaux, ça gratte la main. Donc, c'est là que ça va plus, on s'aperçoit. Et donc, je vous dis, après, les enfants, c'est surpetit. Après, ils ne veulent plus assumer, hein, parce que les parents prennent. Oui, mais tu t'occuperas de l'animal, de la litière, de tout, de le nourrir. Mais arrivé à un certain âge, pas tous, hein, ça dépend. Je pense encore, là, tout vient de l'éducation de la famille des parents. Voilà. Et je pense que, hein, on le voit, hein, dans des familles, il y a des familles qui ne prennent un chat qu'à partir de tel âge. Hein, on avait dit 11 ans, parce qu'ils veulent que, leurs enfants soient responsables. Donc là, c'est très bien. Et nous, on sait que forcément, les animaux seront bien. Là. Voilà. Comme vous dites, il ne faut pas prendre... Faut pas prendre un animal pour des très très jeunes enfants. Parce que, voilà. Et par caprice aussi. Hein, y a des gens, même les gens eux-mêmes, hein, c'est des fois des coups de tête. Non. Je dis, c'est un acte réfléchi. C'est voilà. Il faut pas faire n'importe quoi. On ne prend pas un chat comme ça. Et on va pas dire je le veux tout de suite. Nous, chez nous, dans notre association, ça va pas. J'ai eu encore le cas hier. Malheureusement, la personne là, j'ai mal cerné. Et je pense que je ne verrai pas avec elle une adoption parce que, voilà, un chat, on réfléchit, on ne va pas dire on le veut tout de suite. Et puis, bon, c'est pareil, il y en a qui ne veulent pas. On ne voit pas, on n'adopte pas un chat par photo. C'est pas un catalogue, c'est pas... Il faut... Ah ben, je vous assure que c'est ça. Ah oui, on a ça. Et puis la couleur, et puis si, et puis ça. Non, c'est pas ça. Donc, un chat, il faut qu'on aille le voir, il faut... Et souvent, bah, vous savez, c'est le coup de cœur, c'est le chat qui va vers la personne. Mmh. Hein, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire encore là-dessus Qu'est-ce qu'on peut dire bah, qu'un animal, ce n'est pas un jouet, ce n'est pas une peluche. Oui, voilà, c'est un être vivant, il a un cœur, il souffre comme les humains. Et ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Quoi. Et là, donc, aussi, ah oui, c'est très important. Tous nos chats de la rue, il faut comprendre qu'ils vivent dans le froid, ils ont des carences. C'est vrai que nos chats ont le coryza, hein, qu'ils ont le coryza tous. Malheureusement, on m'a dit, on ne prend pas de chats malades. Ben non, alors c'est pas... Si, tous les chats qu'on sauve de la rue, on ne les fait pas adopter, c'est pareil, ça c'est pas... C'est pas bien. On sait très bien qu'un chat de la rue a eu le coryza, a eu quelques maladies, comme tout, hein. Et voilà, mais après, nous, ils vont chez les vétérinaires, ils sont soignés, ils partent avec un certificat de bonne santé. De bonne santé, tout. Donc, je veux dire, voilà. Et puis après, c'est des petits chats qui vivent. Ils sont, je vois chez nous, hein, hyper câlins. Ah, oui. On n'a pas aucun retour de dire c'est un chat qui est agressif. Et voilà. On a eu un seul retour. Il y a quelques mois, c'est une personne qui a confondu peluche animal. Malheureusement, on l'a senti et on a retiré le chat rapidement. Parce qu'on ne sait même pas s'il y a eu un petit peu de maltraitance maintenant. Il va être adopté, il a retourné une personne qui est responsable. Sur le canapé et puis ça y est, c'était... La personne elle savait, elle travaillait toute la journée, elle le savait quand même, donc il ne faut pas prendre d'animal, vous voyez, ça c'est pareil, les vacances, il faut penser aux vacances, donc nous quand on fait adopter, c'est pareil, on s'assure auprès des gens, si au moment des vacances il y aura quelqu'un qui va s'occuper du chat, voilà, comment ça va se passer, hein, généralement, donc voilà, bon, ce sont les voisins, tout, je leur dis, pour faire, voilà, donc voilà, on... Et puis bon, la sécurité au niveau, quand on les fait adopter, des fenêtres à cause des ossiaux battants, que c'est très très dangereux, plein de choses, vous voyez, on essaye de faire ce qu'on peut, voilà. Mais je vous dis, voilà, il faut que les gens prennent conscience qu'un animal, c'est un être vivant, et puis voilà, il faut vraiment être responsable. Et réfléchir aussi, puisqu'il faut penser aux frais vétérinaires, parce qu'un chat, peut souvent tomber malade aussi, quand ils vieillissent. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas une surcharge des gens qui n'ont pas les moyens. Il ne faut pas qu'on les... Parce que les frais vétérinaires, c'est très cher. Hein. C'est, comme vous dites, c'est pas... Bon, l'alimentation encore, ça. Hein. Mais voilà, donc... On essaye de faire. Et puis je vous dis, il faut savoir parfois refuser, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi Et vous, vous en avez adopté des chats chez vous, pour vous ? Oui. Là, on vient de récupérer quatre petits de 4, hein, 3. Ouais. Il y en a une petite qui a 3 semaines et les autres 4 semaines. Ouais. Là, on était chez le vétérinaire avec 4, 2 sorties, 2 qui vont partir en famille. Là, on a 7, hein, on en a 7 petits chatons comme ça. Ça, c'est la première année aussi. Hein. Et là, on voit aussi qu'il y en a beaucoup, beaucoup de pauvres petits chats comme ça dans la rue. Malheureusement, il y en a qui décèdent. Hein. On ne peut pas tous les sauver. Ça fait mal au cœur. Ah bah oui, on peut pas tous les sauver, mais on fait tout ce qu'on peut, voilà. Et on a un des vétérinaires vraiment qui sont vraiment proches et très humains, hein, proche de l'animal, de nos, voilà. Je veux dire, il faut aussi tout ce qu'il faut quand un chat, qu'on le ramène un chat hein, en mauvaise santé. Hein. Mais bon, on se plaint pas. Hein, c'est, non. Voilà. Nous avons des chats qui ont été opérés, qui ont perdu une patte, une patte arrière, l'autre, une patte avant. Hein, c'était le traumatisme crânien, tout ça, et ils ont été adoptés, c'est des bêtes superbes. Bah, oui, dans notre, c'est notre famille d'accueil. Ça, j'appelle ça des chats. Alors ça, c'est beau, vous voyez, parce qu'il y a des gens qui veulent un chat par rapport à sa beauté, par rapport... C'est pareil, c'est pas l'amour d'un animal, ça. Non. J'en conviens, on peut choisir le sexe, ça c'est normal encore. Hein. Mais après, le reste, je vous assure qu'on en entend, c'est pareil, hein. C'est pas bien. Hein. C'est pas bien. Hein. Sinon, on ne se tourne pas vers les associations, vers les SPA. Si c'est comme ça, on va dans les élevages. Voilà. Hein. Ouais. Et surtout que si les gens adoptent une femelle, il faut leur dire aussi que bah, si c'est une femelle, il faut qu'elle soit absolument stérilisée. Ah bah nous, ils partent avec leur bon. Hein. Voilà. Et je vous avoue, oui, voilà. Je vous assure, en 4 ans et demi, on n'en a eu qu'un hein, qui a passé, qui a oublié une personne. Je l'ai un peu secoué, mais il l'a fait un an plus tard. J'ai été appelée par la clinique. Sinon, tous nos chats, on en a fait un. On a fait une adoption il y a 3 semaines, un mois. On nous a envoyé un petit mot comme quoi la petite chatte était stérilisée. Donc, vous voyez, c'est important quand même. Je pense que si on est là, on apporte quand même quelque chose aux gens. Hein, c'est beaucoup le tarif, ils ont le tarif association, donc quand on fait le contrat d'adoption, tout. Et au moins, tout est fait, l'identification qui est obligatoire. Hein. Les gens, il y en a beaucoup qui ne le savaient pas. Mm-hmm. Au forum, on a discuté, on essaye de passer le message, parce que l'identification, depuis 2012, je crois, 2012 est vraiment, depuis 2015, est obligatoire. Donc ça, c'est important aussi. On retrouve des chats. Il y a des familles qui sont contentes, qui retrouvent leur chat par rapport à ça. Donc si on aime son animal, on le stérilise, on l'identifie. C'est tout ce qu'on demande, le vaccin. Bon, les vaccins. Après, si le chat tombe malade, ça sera c'est leur responsabilité. Mais la stérilisation, ça évite la prolifération avec les cas de maltraitance. On s'en prend au pauvre chat après. Maltraitance, acte de cruauté. Bah, oui. Et on a connu ça malheureusement cette année. Donc c'est pareil, voilà, moi je voudrais bien ne plus voir ça. Donc c'est ça, deux mots, ça se résume en deux mots, stérilisation, identification. C'est pas grand chose pour, mais voilà. Bon, c'est sûr qu'on aurait plus de moyens, hein, parce que nous on travaille sans local, on travaille avec une famille, on aurait plus de moyens, on aiderait plus les personnes aussi. Malheureusement, on est une toute petite association, on a débuté avec rien. Voilà. Là, on a déjà de la chance d'avoir des donateurs, hein, des très généreux donateurs, en alimentaire comme financier. Heureusement, hein, ça c'est très important pour nous, on les remercie d'ailleurs. Mais voilà, on ne peut pas faire... C'est pareil, on doit refuser des prises en charge parce que voilà, faute de local, surtout faute de local. Et pourtant, on aura un local, je vous assure que beaucoup de personnes accepteraient de venir s'occuper de tous les âges des personnes. On a eu une personne de 90 ans, très alerte. Elle a dit, il y aura un local, ça me ferait plaisir d'aller soigner, leur donner à manger, vous voyez. Mais voilà, bon, c'est pas facile de trouver un local. Bon, on désespère pas, peut-être qu'un jour... hein. On nous proposera quelque chose, il nous faudrait juste 4 pièces. Hein, 4 pièces Une entrée pour avoir le bureau. Une entrée parce qu'il faut qu'on séparer les contagieux au départ, les mettre en quarantaine et après, les faire partir progressivement. C'est vrai que ça serait pour nous, parce que là on a 3 conventions. Premièrement, Saint-Étienne, Saint-Nabord. On est sollicité beaucoup par beaucoup de communes alentour, mais on leur fait comprendre que malheureusement, sans local, on ne peut pas intervenir. Hein. Et même au niveau travail, ça ferait un trop gros travail. Hein. C'est sûr que le local simplifierait tout. Donc, hein. Mais bon, on essaye de faire avec ce qu'on a. Voilà. Et le chorizo, on dit le chorizo ou le chorizo? Comme le chorizo, choriza. C'est... choriza, normalement. Le choriza, c'est une maladie infectieuse, c'est quoi pour le chat? C'est les yeux, ils ont les yeux qui coulent. Ça peut être Le nez, les poumons, tout. Ça peut être grave, des fois, ça dépend. Si c'est pris à temps, c'est soigné rapidement. Il y a des soins, déjà nettoyer les yeux au sérum physiologique. Ah, même si ça ne guérit pas, ça ne soigne pas, mais ça empêche le... Bah, comme pour les humains, hein, de toute façon, ça ne peut faire que du bien. Et après, si ça persiste, bah, aller consulter le vétérinaire. Et il peut y avoir des pommades. Des injections, voilà. Là, on en amène trois. Ils vont un après-midi, ils ont trois injections, parce que ça descend bah, au niveau nasal. Voilà, et c'est ça. Après, alors, quand ça touche les poumons... Et après, complications, voilà, quoi. Donc, on traite tout de suite, hein. Question de ça, oui. Là, on n'a jamais eu de gros cas, pas vraiment, où ça empire. Non, on n'a jamais, parce qu'on fait tout de suite ce qu'il faut. La chose la plus grave, c'est le typhus. Malheureusement, dimanche, on a eu une petite minette, on a eu peur de la perdre, et c'est 80% de gens de typhus. Mais notre petite, on l'a appelée Gypsy, elle a 3 semaines, hein, semaines à peine. Combien 300 Je ne sais plus. Elle faisait 15 temps. Non, mais elle avait perdu 40 grammes en 2-3 jours. Elle fait 320. Je sais, j'ai pas mon calepin. Enfin bref, vous voyez, on a eu peur. Bon, on sait pas ce qu'il y a eu. Là, maintenant, elle reprend. On l'a sortie de la clinique. Mais donc, le typhus, ça, en 24 heures, on peut perdre un chat. Donc, voilà. Et c'est quoi le typhus comme maladie? C'est une maladie infectieuse. Bon, voilà. C'est dans partout. Nous, on le porte, on peut l'amener dans la maison par on peut l'attraper donc dehors, sous nos chaussures, tout ça. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il faut prendre, quand il y a des petits chatons, il faut prendre beaucoup de précautions, hein, bien se laver les mains, tout, les chaussures, se déchausser, tout. Parce que voilà, c'est vrai que nous, on peut le retransmettre, on le ramène finalement. Ouais. Hein, c'est dans l'air, c'est un peu. Ça sera un peu, je sais pas, un peu comme le Covid. Mais c'est pas contagieux pour l'humain, quoi. Non, c'est pas contagieux du tout, ni pour les chiens, ni pour c'est le chat, mais je vous dis, ça va très très vite. Hein. Mm. Moi, je l'ai connu il y a 4 ans, il y a 3 ans et demi, 4 ans, c'était affreux. Il mourait l'un derrière l'autre. Hein, alors, c'est pareil, c'est pour ça que nous aussi, on ne mélange pas les portées, vous voyez. Mm. On a compris que d'après ça, on prend les frères et sœurs, on mélange, voilà. Sinon, on ne prend pas, c'est pas la peine qu'il y ait des morts après. Et puis des familles d'accueil, hein, elles ont leur propre chat, donc faut faire très attention. Hein, c'est vrai. Du coup, Chantal, vous faites quoi dans l'association ? Moi, je suis trésorière de l'association depuis un an et demi. Ça fait un peu plus de 2 ans donc, que je fais partie que j'ai intégré l'association. Et au bout d'un an, je suis passée trésorière. Et c'est vrai que maintenant, je suis beaucoup avec Nelly, donc je suis son bras droit. Son bras droit, presque, parce que j'aime bien. Bon, ça nous met un peu plus dans le bain. Le problème, c'est que moi, je suis très sensible, très émotive. Moi, je vois quelque chose je me mets à pleurer. Je ne peux pas me retenir. C'est plus fort que moi. Mais je suis contente de pleurer de joie comme de tristesse. Hein, ça peut être. C'est réversible, quoi. Et c'est vrai que moi, j'adore ce. Et je suis de plus en plus prise dedans le fait que je vais avec Nelly et j'adore ça. Je dis au moins elle n'est pas toute seule, on est toutes les deux, on a des qu'une une idée, l'autre peut avoir une autre, et puis on est combattantes sur le terrain toutes les deux, et tant par le nourrissage que les soirs faut nourrir, donc la capture des chats, ouais, donc la capture des chats pour les amener chez le véto, les faire stériliser ou castrer, c'est du boulot. Après, quand il fait trop mauvais, on ne peut pas parce qu'on ne voit pas les chats. Ils sont malins aussi, ils se cachent. C'est pas toujours évident. Et on en a des sacrés phénomènes. C'est qu'ils sont à 50 cm de la cage. Alors, ils font le tour, puis ils se couchent devant l'entrée. Et puis, ils regardent. D'un air de dire, toi, tu m'auras pas, on peut attendre une heure, le chat, il rentre pas. Ou alors, des chats malins. J'en ai eu une dernièrement au Tambois. J'ai réussi à la voir quand même. Mais elle rentrait dans la cage. Mais Maline, elle posait pas la patte sur la trappe. Et avec sa tête, elle prenait la nourriture dans le récipient. Puis elle ressortait de la cage comme si de rien n'était. Je dis, c'est pas possible, j'ai un problème. Et après, la troisième fois, une dame qui a ouvert un volet, la chatte a eu peur, elle était dedans. J'étais contente, la chatte était prise, quoi. Je l'ai amenée tout de suite chez le vétérinaire, elle était stérilisée. Je suis allée la rechercher l'après-midi. Parce qu'on les amène le matin, on va les rechercher l'après-midi. Je l'ai remise sur le site, pas de souci. Bon, ils sont un petit peu encore encore un peu endormis, donc ils vacillent un petit peu. Mais bon, on est sous la surveillance des pensionnaires, gens qui sont là, et ça se passe bien. Ouais, ils leur font une piqûre pour 15 jours, hein, normalement, vous voyez, pour qu'il n'y ait pas d'infection et tout. Voilà. Mais moi, j'adore ça, moi, c'est super. Et puis, j'arrive à... quand je les attrape, mais c'est vraiment la sensation de faire d'être faire quelque chose de bien, quoi, d'être utile, de ne pas dire bah oui je viens là puis quoi j'attends quoi que ça. Non, on met toujours la gamelle, on essaye de mettre du thon parce que ça les attire un peu plus que la pâte, et des fois des petites saucisses, c'est voilà quoi, c'est moi je sais que ça me plaît, hein, puis maintenant je suis à fond dedans avec Nelly, alors c'est encore un plus, quoi, ça me... Et puis on fait les prévisites, hein. On fait les prévisites. Vous savez, pour les adoptions, voilà. Mm-hmm. Alors ouais. C'est pareil, la personne qui refuse la prévisite, on en a eu deux, hein. Pas de chat chez nous, hein, c'est normal. Et là, comme ce soir, hein, on risque d'aller du côté d'Épinal, d'éviter, on amène le petit chaton qui a été adopté. On les amène aussi, bon, quand c'est loin, Nancy, Metz, bon voilà, ils nous envoient des photos. Alors ils nous envoient des photos de l'appart extérieur, intérieur. Voilà, mais sinon, on amène, hein, pratiquement, les chats, on préfère, dans leur nouvelle famille, pour voir comment ils se comportent, comment ça se passe. Hein, voilà. Ah ben, on chôme pas. souvent, c'est des journées vraiment. Hein, comme des fois, c'est du plein temps. Ouais. Des imprévus, des chats malades. Et c'est comme ça. Même en ayant des journées où on a des trucs de prévus. Oui. On arrive encore à avoir des imprévus malgré tout. Mais des fois, on est rentré à 10h30 le soir. Ah, hein. On partait à 1h, on rentrait, il était 22h30 le soir. Mais bon, un peu fatigué, mais contente de notre journée parce qu'on avait fait quelque chose de bien. Bah, on était allé à droite, à gauche, chercher des chats, les amener là. Mais ça me plaît de bouger. Bon, moi, je me sens utile. Moi, j'aime pas de rester à rien faire. Bon, en plus, le nourrissage des chats, c'est sûr, mais là, on a quelques bénévoles quand même pour nourrir, tout ça. Même la présidente, on a tous nos jours. Maintenant, on nourrit deux fois par semaine chacune, donc ça va. Qu'avant, c'était tous les jours, c'était un peu plus... plus fatigant, puis plus pénible, parce que il fallait faire quelque chose. Bah oui, mais il faut nourrir les chats, donc c'était toujours la course. C'était pas facile, pas évident. Maintenant, on a quand même un peu plus de liberté. Puis quand on peut pas, on dit à une autre, tiens, tu me prends ce soir, et puis je te ferai demain à ta place. On s'arrange, il n'y a pas de souci. On est une bonne équipe. Ouais. On n'est pas beaucoup, mais on s'entend bien. Voilà. c'est bien, ça. Oui, c'est vrai. Ça sert à rien d'être 50, puis de se taper sur le dos. Tout va bien. On ne peut pas dire tout le monde est sympa. C'est vrai que... Oui, tout le monde s'aide, autant du côté administratif que sur le terrain. Donc c'est bien, c'est parce que c'est important. C'est sympa. Et puis bon, voir les animaux, quand on voit des petites boules de poils, là, puis qui s'accrochent à nous, qui sont adorables, ça fait plaisir, ça met du baume au cœur. Après, quand on tombe sur des chats décédés, ça c'est moins... Surtout des fois dans des endroits qu'on ne s'attendrait pas. Et vous trouvez le chat, vous ne saviez même pas qu'il y avait un chat là. Et... Là, ça fait mal au cœur, par contre. Ouais. Surtout des endroits où il n'y a pas d'habitation autour. Dans des caves, des fois, hein, des endroits où, sur des chantiers, enfin, des endroits où on ne s'attendrait pas à avoir un chat là. On va voir, avec la permission, bien sûr. Et on retrouve un chat, après un gros, après on voit un deuxième un peu plus petit. Oui, là, c'est dur. Des fois, psychologiquement, il faut... Ça fait mal. Il faut être fort quand même, parce que là... Moi, je peux pas. J'ai beau vouloir être forte, je craque, moi. Moi, je serais comme vous, moi. Je peux pas. Je suis trop sensible. Alors, moi, c'est pareil, j'étais comme ça. Sauf que je suis un peu plus forte parce que j'ai travaillé 22 ans à l'hôpital. Et c'est l'hôpital qui m'a... Parce que là, on voyait, vous voyez le côté humain. Les accidents, les cancers, tout. Donc, vous voyez, il y a longtemps. Mm-hmm. Et donc, ça m'a aidée, parce que je pleurais pour rien aussi. Mais là, bon. T'arrives à mieux te retenir, surtout. T'arrives à te retenir de pleurer. Oui, voilà. J'arrive à me retenir. La sensibilité, je pense qu'elle est toujours là. Mais t'arrives à maîtriser, quoi. Que moi, j'arrive pas à maîtriser. C'est comme rire. Je ris pour un oui, un non. Je pleure pour un oui, un non. Façon de parler, quoi. Parce que. Moindre truc, même quelque chose une retrouvaille, enfin quelque chose qui est joyeux, que je sens une de l'angoisse, je sens une boule qui monte, puis je me mets à pleurer. Il y a plusieurs façons, il y a les pleurs de joie, les pleurs de dégoût, il y a les pleurs pour il y a beaucoup de façons, mais je fais ressentir vraiment Et je ne peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi. Même dimanche, chez le veto, j'ai craqué. Ah bah oui. J'avais tellement peur que la petite chatte ait le typhus, puis que je voyais le petit bébé, je sais pas possible. Bah, j'ai pas pu, le vétérinaire m'a regardé, il a été peut-être surpris, mais je pouvais pas me retenir, quoi. C'est plus fort que moi. Parce que je supporte pas déjà tout ce qui est le mal qui est fait aux animaux, que ce soit des chats, les chiens, que ce soit n'importe quel animal, un âne, enfin bref, je ne supporte pas tout ce qui est maltraitant. Je dis, moi, on devrait faire aux gens ce qu'ils font aux animaux. Pour se rendre compte, parce que j'ai un animal, il a un cœur, il souffre comme nous, il peut être joyeux, il peut être triste. On dit que les animaux ne pleurent pas, mais si, quand ils ont mal, on voit peut-être pas comme un humain, mais je pense que l'animal, il pleure. Des fois, on voit, est-ce que c'est du réel, est-ce que c'est du faux, qu'un chat, il pleure, mais moi, je pense que ça peut pleurer quand même, un animal, hein. Ah oui, je confirme, j'ai vu des vidéos. Ah, oui, le chat, il est tout. En fait, il s'est mis dans le fond de sa cage chez le vétérinaire. Mmh. Il est tout crispé comme ça. Il a les larmes qui coulent avec les pupilles toutes noires, toutes grosses. Et quelqu'un avait mis en légende. Et après ça, vous dites qu'ils n'ont pas de cœur. Ah si, de toute façon, ils ont un cœur pour vivre. C'est pour ça que je ne comprends pas l'humain. Si on aime, on peut pas forcer les gens à aimer. C'est comme un je chat, dis, voilà, on respecte le chacun, choix. Mais qu'on leur fasse pas de mal. Voilà. Vous les laissez tranquilles, un chat. Si vous lui faites pas de mal, il vous fera pas de mal. Bon, on a des chats qui sont un petit peu, quand on nourrit, qui sont assez. On fait doucement, quitte à tricher un tout petit peu d'eau pour éloigner le chat, dire oh, allez, sauve-toi, puis pouvoir prendre les gamelles et nourrir. Si on vous veut du bien, vous veut pas du mal, nous. Donc j'ai pourquoi vous voulez nous faire du mal. Moi, je discute avec eux. Je sais pas s'ils me comprennent. Voilà quoi, c'est une manière de. Mais on arrive sans les toucher, sans leur faire de mal, à les nourrir, on les éloigne un petit peu. Bon, il y a une maman qui a un bébé, donc je comprends qu'elle soit un peu plus sur ses gardes, un peu agressive, mais dans l'ensemble, ça se passe quand même bien. On arrive, on fait attention et ça se passe bien. Super. Voilà. Alors nous allons faire deux pauses musicales avant de continuer de parler de l'association Les Chats sans Famille. On vous laisse donc avec Powo et Aldebert. À tout de suite sur Radio Gamozo. Moi vouloir être un chat. Je me ferai angora pour me blottir dans tes bras. Je te jure, je boirai plus que du lait. Je n'aime plus l'avocat. Moi vouloir être un chat tous les soirs quand je te vois. Moi vouloir être un chat retrouvé sur les gouttières. Mes copules de litière me toujours rester à toi. Prendre des michafouines, me lécher les babines quand viennent tes copines. Moi vouloir être un chat et ne risquer de tes doigts quand le caresse sur moi. Moi vouloir être un chat quand dehors il fait froid, attendre mon repas tapis au creux de tes draps. Si un jour tu préfères à mes félines caresses les canines d'un chien en laisse, tu ne comptes pas sur moi. Pour dormir sur le sofa, je te montrerai de quoi est capable un gros chat. À ce jeu-là, je suis roi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi. Un chat, c'est omnivore. Ça veut dire que ça mange des hommes. Non, ça veut dire qu'il mange de tout. Écoutez l'histoire d'un sacré félin, un curieux gros chat qui avait toujours faim. On l'appelait Pépette, c'était son petit nom. Il était né sur la planète des matous glouteux. Il mangeait du nougat, du poulet, des anchois, un canapé, un casse-noix, du barbelé, la mort au rat et la télé. Pépette est un chat qui mange n'importe quoi, un drôle de matou qui mange un peu de tout. Il passait son temps, c'est épouvantable, à aiguiser ses dents pour passer à table. On ne croisait jamais Pépette le ventre vide, car toujours il réclamait de quoi se remplir le bide avec un dictionnaire, un tire-bouchon, un pack de bière, un bûcheron, de la poussière et des boulons, un légionnaire et mon polochon. Pépette est un chat qui mange n'importe quoi, un drôle de matou qui mange un peu de tout. Mais un soir de nouba, Pépette a forcé, on retrouva le chat, le bidon percé par le petit trou. On pouvait voir sortir tout ce que le matou avait pu engloutir. Il y avait un cartable, un sergent, une étable, un président, mon portable, un toboggan, le bac à sable et D'Artagnan. Pépette est un chat qui mange n'importe quoi, un drôle de matou qui mange un peu de tout. Le chat s'écria diantre, mon repas se débine, colla sur son ventre une jolie rustine. La morale de cette drôle de chanson, c'est qu'il vaut mieux avoir Pépette en photo qu'en pension. Parce qu'il mange des clous, des choux, des poux, des loups, du mou, des sioux, des roux, du gnou, des canards, des rasoirs, des cigares, des motards, des frigos, des motos, des mégots, des marmots, des moutons, du savon, du carton, du coton, des bretons, du bison, du poison, des teutons, des chatons, du houblon, Besançon, du saumon, des violons, des camions, des crayons, des wagons, des avions, ma maison, des dindons, des crotons, et c'est... Chanson. Pépette est un chat qui mange n'importe quoi, un drôle de matou qui mange un peu de tout. Pépette est un chat qui mange n'importe quoi, un drôle de matou qui mange un peu de tout. Pépette est un chat qui mange n'importe quoi, un drôle de matou qui mange un peu de tout. Et qui mange, et qui mange, et qui remange encore. Nous voici de retour sur nos ondes pour continuer de parler de l'association des chats sans famille avec Nelly et Chantal. Alors, est-ce que ça va toutes les deux? Est-ce que vous êtes contentes d'être là? Oui, oui. Pour une première fois, ça va. Voilà. Bon, une fois que c'est fait, oui, voilà c'est... Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation, parce que je suis passionnée par les animaux. C'est un secret pour personne, hein, parce que j'avais animé une chronique qui s'appelait « Nos amis les animaux ». Je donnais des chroniques insolites sur les animaux, dont une où le chat court plus vite que Usain Bolt, le monsieur qui fait du sprint. Ah bon? C'est un grand athlète qui faisait du sprint. Voilà. Ah bon? Si je me souviens bien, il y a dans certains pays, comme le Mexique, où ils ont élu un chat comme maire. Mon Dieu. C'était pour... un chat qui est maire au Mexique. Ah bon? Le chat, il était maire. Et c'était pour la campagne électorale. Parce qu'ils avaient mis... en gros, c'est marre de se faire gouverner par les rats, voter... je ne sais plus comment il s'appelait, le chat. Et le chat a été élu. Ah ben, ma foi. Alors du coup, je voulais vous proposer de parler des familles d'accueil. Comment ça se passe? Comment ils sont placés, les chats? Eh ben, disons que moi, en famille d'accueil, on n'en a pas beaucoup, mais c'est des familles vraiment superbes, parce qu'on les choisit quand même. Il faut savoir que la famille d'accueil, normalement, elle est censée, le temps, tout le temps de la garde d'un chaton ou d'un chat un peu plus âgé, ça dépend, elle est censée ne pas partir en vacances ou alors prévenir si vraiment elle ne peut pas, c'était prévu à l'avance. Donc, au pire, nous, on se rend sur place et on va nourrir les chats. Elle nous laisse une clé, on va nourrir les chats. Et comment je veux dire aussi, si le chat vient tomber malade, tout ça, de nous prévenir, éviter de les laisser aller dehors, surtout quand ils sont sous leur garde, parce qu'il faut qu'elles pensent que ce n'est pas leur chat à eux. C'est des chats qui, après, vont partir à l'adoption. Donc ils ne sont pas vaccinés, rien du tout. Donc, il faut faire très, très attention. Et puis, voilà, quoi, tu peux rajouter quelque chose, Nelly ? C'est-à-dire que oui, on leur demande du sérieux, hein, surtout au niveau propreté, hygiène, de la nourriture, la litière. Bon, on leur demande surtout voilà, qu'elles s'occupent, qu'elles les sociabilisent, comme si c'était les leurs, donc qu'elles leur donnent beaucoup d'amour, tout ça, et c'est vraiment... Ouais. Ça se passe vraiment très, très bien. Il y a du biberonnage. Ça doit demander du temps, ça. Ça demande du temps. Mais quand elles sont conscientes, elles font ça à merveille. Surtout, on en a une, elle est superbe depuis... On peut lui donner des adultes. On a eu une toute petite qui était vraiment pareille, 200 et quelques grammes. La petite Isis de la voie ferrée, là. Qui a été retrouvée près du chemin de fer. Il faut la retrouver, elle était sous une benne. Donc, on a passé plus d'une heure, bonnement, à pouvoir la retrouver. Il a fallu enjamber des trucs que la présidente avait pris en photo pour pouvoir récupérer la petite chatte sous la benne. Un petit gogo. 200 grammes, à peine. Et puis maintenant, c'est une chatte Superbe. Ils nous ont envoyé, elle a été adoptée dans une famille en Alsace. Ils ont entendu près de plus de 2 mois et demi, ils l'ont réservée pour venir la chercher. Et vous verriez la belle chatte que c'est devenue. Donc, c'est grâce à la famille d'accueil, parce que c'était l'imibronnage. Dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, elle m'appelait, on l'amenait chez le vétérinaire, tout. Parce que ça, c'est très important. Donc, c'est pareil. Il faut des gens responsables, des gens... vous voyez, là, dernièrement, j'ai amené c'est un petit, là, à sa falière. Ouais. La dame, pourtant, elle a des petites jumelles, elle a deux autres enfants, tout, elle a du travail. Et bien, elle s'est occupée, elle a vu qu'il semblait pas trop bien, tout. Elle a pris une bouillotte de sa fille, elle lui a mis la bouillotte, le petit dormait dessus, et c'est vrai qu'il n'y a aucun problème, les petits, ils grandissent bien et ils sont bien. C'est vrai que la famille d'accueil, Et puis notre première famille d'accueil, celle qu'on parlait en premier, elle a jusqu'à laisser sa chambre les chats, puis elle dort sur le canapé. Parce que la chatte avait accouché, c'est avec ses petits. Elle fait les bébés chez elle, et donc pour qu'ils soient bien, qu'ils soient pas mélangés avec ses propres chats. Elle a laissé sa chambre, donc ça fait quelques mois. Qu'elle laisse la chambre au chat. Bon, il y en a déjà qui sont partis. Il en reste deux noirs à faire adopter. Le problème, c'est que pareil, il faudrait que les gens ils arrêtent de dire « le chat noir, ça porte malheur ». Parce que ça, c'est pas vrai du tout. C'est horrible, ça. Se retrouve avec 3 chats noirs. Et c'est vrai que c'est les plus gentils, les plus câlins. C'est ancré dans la tête des gens. Ça aurait été un chat blanc qui serait... Alors, vous avez un accident, vous avez vu un chat noir. C'est la faute du chat noir. Ça aurait été un chat blanc ou un chat tigré, c'était la même chose, quoi. Mais là, les chats noirs, ils sont adorables. Que ce soit n'importe quelle couleur, il faut que les gens, ils arrêtent. C'est de la superstition, ça, c'est tout. C'est comme passer sous une échelle. Bon, moi, j'évite, c'est parce que j'ai peur de... C'est pas le peur de... C'est de prendre au pire le saut de peinture sur la tête, d'accord. Mais sinon, c'est pas par dire, parce que ça va porter malheur pour ci, pour ça. C'est toute la bêtise, ça. C'est la bêtise humaine. C'est inadmissible, des choses comme ça. Ah bon, on me l'a fait, Saint-Étienne, la personne, elle m'a appelée, elle voulait adopter un chat. Alors, elle me dit, pas un tigré. Bon, je dis encore, j'en prends conscience, pas un tigré, Alors, ce qu'elle a rajouté, je l'ai remis en place après. Et surtout pas un noir. Ah bon, madame, pas un noir. Ah bon, pourquoi ? Ah non, ça porte malheur. Bon, je dis, écoutez, madame, on en reste là. Oui. On s'est tout dit, au revoir. Non, mais vous vous rendez compte, j'ai eu ça. Ça fait un an. C'est aberrant. Parce que les gens voyaient un chat noir dans la rue, ils feraient encore tout pour... Je pense qu'il y en a qui leur font du mal. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui peuvent leur faire du mal. Bien sûr. Si vous réagissez comme ça, ça veut dire que si un chat vient devant chez vous... Je pense que, vous savez, maintenant... Puis là, dans la rue, ils ne vont pas l'éviter, ils vont foncer dessus, c'est tout. Hein. Ah bah oui, c'est horrible ça. C'est pas normal, quoi. Alors qu'un chat noir, c'est la couleur. Alors vous voyez une personne, un humain noir, vous voyez un humain jaune, vous voyez un humain rouge, ça y est, bah, oh, bah, on va l'écraser parce qu'il est... Non, bah, un animal, c'est pareil. Alors, j'en ai trouvé il y a le respect. Pas là encore, il y a deux ans et demi. Sais où c'est que Gilles habite là, dans une impasse. Donc une impasse, vous voyez bien, vous roulez tout doucement, hein. On m'a appelé, ça devait être un dimanche matin et tout. Il y avait un adulte et puis un plus jeune. Deux chats noirs qui avaient été fauchés. Je pense que c'était quand même là pour faucher les deux. Et en plus, dans une impasse, je pense que c'était volontaire, vous voyez. Ah ben là, j'ai eu mal quand même aussi. Quand il a fallu les ramasser, c'est pas possible. Je faisais déjà partie de l'association, mais j'ai pas vu. Tu n'as pas vu, non, je te l'ai dit. J'allais encore pas sur le terrain avec toi, quoi. J'étais vraiment la simple bénévole qui nourrissait. Pour Rumont, j'en ai eu aussi. J'en ai eu trois. Il y en a un, c'était vraiment. Vous verriez les photos. Il y a des photos, j'ai des photos qui sont très très dures. Le chat noir, là, c'était très très dur aussi. On avait pensé à Arnard, mais après, j'ai dit non, ça, c'est des humains qui ont fait ça. Alors. C'est vraiment, c'est horrible. Hein. C'est vrai qu'il y a du beau, mais malheureusement. Hein. Oui, beaucoup de méchanceté de la part des humains. Alors que la pauvre bête, qu'ils soient n'importe quelle couleur, ils sont tous aussi adorables. Oui, voilà. Bah oui, exactement. La couleur n'a rien à voir. Et c'est pour ça, je dis, il faut que les gens ils arrêtent leur phobie avec le chat noir. Non, c'est le chat noir, il est pas plus, il porte pas plus malheur qu'un chat blanc, qu'un chat tigré, qu'un chat roux, qu'un chat tout de tricolore ou que sais-je, moi, grand poil ou voilà, c'est pas. La couleur n'a rien à voir, c'est parce que nous, les gens, ils ont entendu ça puis c'est ancré dans la tête et puis ils ne font pas l'effort de penser autrement quoi. Ils sont butés là-dessus et puis vous les changerez pas quoi. Mais il faut qu'ils comprennent qu'un chat noir, c'est adorable, c'est même les roux, tout ça, c'est des fois les chats les plus affectueux, les plus après c'est tout dépend comment le chaton a été élevé, ça dépend de s'il est maltraité depuis tout petit, s'il est c'est sûr qu'il peut pas aimer les gens, il sera plus sur la défensive, c'est normal hein, c'est si une femelle a des bébés, elle protège sa progéniture, c'est ça, c'est ce qui se passe un peu à Remiremont le soir où on nourrit la mère. Moi, je l'appelle la pifeuse parce que elle miaule, on l'entend de loin, puis après elle noie, elle piffe. Alors, je l'appelle la pifeuse, moi, mais ça me fait rire parce que. Mais elle est peut-être pas plus méchante que n'importe lequel, quoi, c'est non, ça. Non, non. Elle a un bébé, alors un petit bébé rouquin, alors on dit qui c'est le père. Hein? Parce que, on voit toujours la mère, les bébés, mais on ne sait pas qui est le père, alors c'est pas évident. Parce qu'il y a un rouquin, il y a un bégé blanc, il y a un gros blanc avec du noir un peu. Alors voilà quoi. Parce qu'une femelle, elle peut avoir 3-4 chatons qui ne soient pas de la même couleur. Alors est-ce qu'il y a plusieurs pères qui vont dessus? Je ne sais pas. Le vétérinaire a dit oui, apparemment ils peuvent. Mais le vétérinaire nous a appris probable ça. Hein. Il peut avoir deux paires différentes déjà. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des fois plusieurs couleurs. C'est pour ça qu'il y a des couleurs. Hein. Ça fait sourire, mais c'est vrai que c'est amusant quoi, quand vous voyez des fois des. Pourquoi des fois il y a un blanc, un noir, un gris, un roux? Ah, bizarre. Je serais chez les humains, on se poserait la question. Mais c'est vrai que pour les chats, mais c'est tellement beau. On essaye de quand on les voit, quand on le sait, il y a des fois malheureusement, on ne peut pas tous les sauver. On n'arrive pas à tous les avoir pour les faire castrer ou stériliser parce que on a trop l'année dernière, on avait que ça, on avait plus de 100 chatons à placer. C'était la folie. Au début, on pleurait parce qu'on avait des demandes, on n'avait pas de chatons, donc on avait même pris des chatons de particulier qu'il y avait une femelle qui avait fait des bébés. Donc on avait dit exceptionnellement on prend les chatons parce qu'on en a pas et ils étaient beaux. Oui, oui. Les gens de Nancy qui étaient venus jusque chez moi tout ça voir les bébés. Et puis après pouf les chatons ça poussait comme les champignons quoi. Après on savait plus, on avait plus de chatons que de On en a encore deux, trois de l'année dernière, donc aux 15 mois. Ils n'ont pas été placés parce que ça c'est pareil pour la famille d'accueil, vous pouvez être famille d'accueil mais on appelle ça longue durée. Oui. Parce que on ne sait pas quand chaton, c'est ça le problème hein. Il faut bien on leur explique bien hein, la personne qui veut faire famille d'accueil. Pareil, il faut qu'elle prenne conscience que on peut pas. Ça le peut château, il va pas rester partir au bout de 8 jours, 15 jours, vous comprenez, ça peut durer des mois. Ouais, c'est le donc problème, on leur explique bien pour éviter un problème après. Ouais. Hein. Mais après, un chat qui a été 15 mois dans une famille d'accueil, pour le replacer ailleurs, c'est plus difficile. Parce que déjà, bah, il est habitué. Bien souvent, des fois, les familles d'accueil, si elles n'ont pas trop de chats, bon, bah, allez, voilà, je voilà, le garde. Elles le gardent. Alors, c'est, bah, elles sont prioritaires déjà en tant que famille d'accueil, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'après, elles ne peuvent pas non plus en garder 50. Ce n'est pas possible parce que financièrement, et puis la place et tout, même si vous avez une maison, bah, après, financièrement, ça a un coût. S'ils sont jamais malades, il n'y a pas de souci. Mais du jour au lendemain, vous en avez un malade, un deuxième, bah, les frais vétérinaires, bonjour. Hein. C'est pas, déjà, quand on en a qu'un ou deux, c'est dur. Quand ils sont malades, ben, ça dépend ce qu'ils ont. C'est tout de suite une somme qui... Ouh. Bon, on peut s'arranger pour payer maintenant que les vétérinaires, ils sont un peu plus cool qu'avant. Avant, c'était payé tout de suite. Maintenant, vous pouvez payer en deux, trois fois. Tout dépend de la somme. Quoi. Ils sont un peu plus arrangeants qu'avant. Mais c'est vrai que ça a un coût quand même, donc les familles d'accueil, mais la plupart du temps, si elles n'en ont pas trop, on a eu une l'année dernière, bah, elle avait la maman puis un bébé en famille d'accueil. Bon, le bébé a été adopté ailleurs et la dame a gardé. Bon, elle a dit, bon, allez, je l'adopte. Elle l'a adopté, puis vraiment, ça se passe tout bien. Bon, là, il reste encore une maman cette année. Est-ce qu'elle va l'adopter ou la garder? Ouais, enfin, ça, je sais pas. Bon, elle a une maison. Quand ils ont les gens ont des maisons, ça va encore. Parce qu'elle a la chatte, elle s'habitue. Ils vivent leur vie, hein. Mm. Par contre, on a eu, c'est d'aller, elle les chats ne sortent pas. Bon, de toute façon, les chats ne sortent pas, ils n'attraperont pas de maladie. Ah bah hein, ça là, aussi. Oui. Parce qu'il faut se dire ça, hein, un chat qui sort, la durée de vie, les chats errants, les pauvres. Chiens, les chats particuliers, non, parce qu'ils sont bien nourris. Mm-hmm. Mais les pauvres chats errants, ils n'ont pas une grande durée de vie. Hein, voilà. Non, puis déjà, les chiens, ils ne sortent pas non plus, de toute façon. Oui, voilà, les chiens ne sortent donc pas. Donc, voilà. Les chats qui sont en famille d'accueil, je vous dis, ils ont été dans la chambre jusqu'au moment où ils sont partis en famille. Ouais, c'est pareil. Et puis la famille d'accueil, elle connaît le caractère des chats et tout. Ouais. Donc, et puis il s'est présenté quelqu'un pour la petite Ella et son frère. Et après, quand les gens sont partis, elle me dit non, j'ai pas envie qu'ils partent, je les sens pas bien et tout. Et c'est vrai que moi, après, j'étais de son avis aussi. C'était sur Nancy, donc voilà. Des fois, alors voilà, on a refusé. Bon, elle les a toujours. Ben. Bon, elle préférait. C'est pas toujours facile, quoi, mais... Mais la famille d'accueil, c'est vrai que elles sont vraiment extraordinaires. Hein. C'est tout un travail, comme vous pouvez le voir. Surtout quand il y a les petits chatons, là, qu'il faut... S'il y a la maman, ça va, parce que la maman, elle allait être les bébés, mais là, avec les petits chatons qu'on a en ce moment, des petits qui sont pas sevrés, rien du tout, bah, les gens sont obligés de donner le biberon et tout. Bon, on leur fournit le lait avec le biberon et tout. Mais je dis, ça doit prendre du temps parce que ça mange tout, ça boit toutes les 2-3 heures, hein, dès que le bébé réclame. Donc ça peut être la nuit, ça peut être. Alors si la personne travaille, ça ne doit pas être facile. Hein. Moi je ne travaille plus, mais je suis en retraite, mais bon, très prise de. Je ne sais pas si j'y arriverai. Je le ferai, mais déjà j'ai des bêtes qui sont assez caractérielles, qui. Jaloux ? Oui, surtout la chienne. Elle supporte la chatte, mais la chatte, je l'avais avant. Mais quand c'est le soir, que c'est pour être à côté de moi, s'il y a la chienne, la chatte arrive. Alors, quand la chienne, tout de suite, dans l'agressivité, alors je la rouspète, elle va en dessous du lit. Elle a l'air de dire, je me casse, je m'en vais. Alors, la chatte, après, elle vient à côté de moi, et puis les câlins, les ronrons. Mais elle est très. Quand je suis pas là, il n'y a pas de souci. C'est moi qui suis trop, presque. C'est moi qui sème la zizanie. Quand je suis pas là, elle s'accorde à merveille. Mais c'est pas la chienne. Alors, quand elle voit des autres chats, c'est même pas la peine. Alors, je dis, je ne pourrais pas prendre un autre chat à la maison. Elle m'en ferait deux, j'en aurais deux, quoi. Alors, je n'ai pas envie non plus qu'il y ait une bêtise comme ça. Donc, je préfère pas en prendre, quoi. Ou si c'est un petit dans une cage, que c'est pour quelques heures, je mets sur la table à la cuisine, elle n'y va pas après, je dis tu ne vas pas après. Donc elle s'en va, la chatte est dehors bien souvent, donc il n'y a aucun problème. Mais ce serait pour garder plusieurs jours, je ne sais pas comment je ferais. Ah, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Puis comme la chienne arrive à ouvrir les portes, d'un coup de patte, elle ouvre les portes. Je n'ai pas envie, je ne pourrais pas la laisser toute seule. Avec l'autre, ça va parce que... Ils sont obligés de se supporter, de s'entendre, mais avec un autre chat, j'aurais trop peur. Ou c'est moi qui me fais des... Je ne sais pas. Mais dans le doute, prends pas de risque. Mais là, on a des familles d'accueil qui ne travaillent pas, donc c'est bien, ça se passe bien. Voilà. Ouais. Parce qu'en plus, cette année, on a eu deux mamans avec les petits. Donc, Oui. Bah, celle qui a déjà qui a fait l'année dernière. Enfin, c'est, ouais. Non, c'est cette année qu'elle a fait les... L'année dernière aussi. Donc, voilà. Donc, il faut trouver des gens qui ne travaillent pas. Parce que quand il arrive une maman, comme la dernière, celle de la... qu'on a trouvée dans la cave, là, avec combien? Il y avait 5 petits, hein, bon, ouais. On les compte, là. Non, il y en avait... Ah oui, si, c'était avait une autre. Cinq, ouais. Ouais, parce qu'on avait donné le grand parc. Ouais. Parce qu'on travaille avec des petits parcs à bébés. Mm-hmm. C'est des parcs, donc au moins... ils sont pas tout de suite en contact, ils sont avec si la famille a des autres animaux, voilà. Donc ça se passe très très bien, c'est bien. Et puis au moins le parc, la famille, ils sont avec la famille, peuvent le mettre au salon ou dans une autre pièce, oui. Ouais, donc voilà, ça. Il y a eu la femelle de Bricomarché qui avait 6 bébés. Alors elle avait fait les bébés dans un carton carrément. Ah oui, dans la c'est pareil. On allait la chercher. Et le soir même, il y a eu un petit qui était mort. Hein, mais bon, il venait de naître. Hein, oui, donc, ben, elle en avait 6, donc il en restait quand même encore 5. Ben, ils ont été placés les 5, la maman aussi. Donc il n'y a pas de. Mais ils étaient en famille d'accueil. Au Ménilotio, oui, ça. C'était un peu plus loin. Bon, on préfère quand c'est sur place, parce que quand il faut commencer à. Parce que bon, on fournit tout, hein. Il faut qu'on fournisse la litière, l'alimentation, tout ce qui est. Hein, pour le sérum fi, tout ça, voilà. Oui, la famille d'accueil, elle n'a rien à. Normalement, elle n'achète rien. Après, il y en a qui... Bon, il y en a qui veulent. Il y a des familles d'accueil qui disent « Oh non, c'est bon, je participe. » C'est une forme de don. Voilà. Ça aide un petit peu la sauce, quoi, quand même. C'est sympa. Mais en principe, on fournit nous-mêmes. Déjà, quand on amène le chat ou le chaton, on amène le parc, on amène 10 fois les gamelles, le bac à litière, la litière, les croquettes, un peu de pâté, chaton ou... fourni. Après, si la, comme on dit, si la, la, comment la famille d'accueil, elle veut acheter un petit peu, elle achète un peu, mais en principe, on lui dit, quand vous n'avez plus, vous réclamez et on va redonner, quoi. On ne les laisse pas tout à leur charge non plus, ce qui est normal. Alors, pour parler d'action de l'association, vous faites des collectes de croquettes. Vous pouvez nous en dire plus? Eh bien, quand on fait souvent, on a fait à Cora. Dernièrement, au mois de juin, nous avions fait une collecte au Leclerc. Donc, après, moi, je fais des petits trucs qu'on met à la vente. Donc, les gens, ils achètent et tout. Les gens, on ne met pas de prix, les gens donnent ce qu'ils veulent. Et on leur dit, l'argent, on ne la récupère pas pour nous, c'est pour l'association, c'est pour les chats, quoi, pour les nourrir. Pour payer les factures vétérinaires et tout ça, quoi. Voilà, ça nous aide pas mal. Et les gens, le fait de ne pas mettre de prix, les gens sont très, très généreux quand même. Et ils donnent beaucoup pour les animaux. Donc, on précise, on fait une feuille. Et puis bon, Cora fait des affiches et tout à l'avance en disant ce qu'on a besoin. Moi, j'ai refait une feuille pour cette année parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas marqués sur les affiches. Donc, des choses que nous aurions besoin et que l'association, on ne peut pas toujours tout acheter pour les familles d'accueil, tout ça. Donc, on demande si les gens peuvent nous donner. Ça peut être de l'essuie-tout pour quand on va nourrir, on a besoin d'essuie-tout. Des fois, des sacs poubelles. On nous a donné beaucoup d'eau de Javel, des sacs poubelles qu'on nous a donnés. On demande pas mal de choses, sérum physiologique pour les yeux, tout ça. Et puis les croquettes, la pâté. Alors on précise des fois, beaucoup des fois pour les chatons, quand on a beaucoup de chatons. Parce que ça, on a très peu. Puis on ne peut pas les chatons leur donner de la grosse croquette d'adulte, ni de la pâté adulte, parce qu'après, ils régurgitent, ça ne va pas. Donc on essaye de demander le maximum ce qu'on peut. Et les gens sont très généreux. On ramène des bons caddies. Hein. Et puis ça nous fait connaître d'autres personnes. Voilà. Il y a des personnes qui viennent. On leur présente, on leur montre des photos, des petits articles de presse, tout ça. Donc, vous voyez. Puis on en profite, je propose des adhésions si les gens veulent adhérer. Voilà. Donc, c'est 20 euros pour l'année. Mm-hmm. Et c'est renouvelable tous les ans, s'ils veulent ou pas. Après, ce n'est pas une obligation, mais voilà, on leur dit c'est une fois par an. Mm-hmm. Donc, c'est comme si c'était un don par le fait. Hein. Je remplis la feuille, ils mettent leur nom, tout ça. Et après, l'année d'après, on les recontacte à peu près à la même époque. Et puis, on leur demande s'ils veulent toujours... s'ils veulent continuer à donner, à participer pour l'adhésion ou pas. Mais ça aide pas mal parce que ça, on arrive à en faire quand même 2-3 à chaque fois. Voilà quoi. En plus de la vente, quand on a les calendriers, on vend nos calendriers en même temps qu'on fait la collecte. Et sinon, on vend les calendriers aussi à côté. Moi, je fais du porte-à-porte. Moi, je vais sonner aux portes et puis je fais le démarchage. C'est pour le bien, c'est pour les chats. Ah bon, après, il y a eu une seule personne qui m'a dit, ça aurait été des chiens, j'aurais pris, mais les chats, non, j'aime pas. Ah ben, j'ai dit, chacun ses goûts, hein, c'est pas un souci, quoi. Mais voilà, quoi. Mais sinon, dans l'ensemble, il y en a, ils disent, je vous donne les sous, mais je n'ai pas besoin du calendrier. Donc, ça revient au même. Hein, on leur vend une seconde fois, quoi, c'est pas un problème. Mais je dis ça, dans l'ensemble, je suis contente quand on fait nos collectes. Bon, on doit refaire une 14 et 15 octobre à Cora. Mm-hmm. Donc, bah, ma foi, comme ça, au moins, ce sera dit à la radio. Mm-hmm. Et bah, en espérant que les gens soient aussi généreux que d'habitude, parce qu'avec tout ce qui augmente, ça fait un peu peur. Mais je pense que pour les chats, les gens sont très, très généreux. Ah, enfin, pour les animaux, oui, en général, pour les chats. En général, ouais. Je ne me fais pas trop de soucis là-dessus, même si on a la crainte, mais non, je pense que ça peut marcher. Puis là, bah, j'ai fait des petites choses. Ça ira de les vendre, mais c'est vrai qu'en ce moment, je suis plus sur les choses pour Noël, donc ça, ce sera à vendre dans les hauts chalets de Noël, ben, à Saint-Étienne, je pense. Et puis après, on va voir si on... Si on prend 2-3 jours à Armirmont comme l'année dernière, mais là, il faut fabriquer, parce qu'on n'est que deux à fabriquer des choses, donc ce n'est pas évident. Il faut, surtout si on fait 2 jours à Saint-Étienne, après, quelques temps après, on refait à Armirmont, donc c'est assez rapproché, donc il y a intérêt à faire beaucoup de choses. Mais je pense que ça devrait aller. Et puis, on va faire, donc voilà, on va travailler, bah, il faut que je m'y prennent la semaine prochaine, bah pour le fameux calendrier, quand ça fait du travail. Bon, on fait ça avec l'imprimerie de l'Octacom de Saint-Nabor, donc il faut rechercher, appeler les adoptants qui nous envoient des photos, donc ils ont le photo et puis on met les prénoms de tous les petits chats donc qui a été adopté dans l'année. Voilà, ça fait 3 ans et puis c'est vrai que ça marche très très bien, les gens sont contents. Là, on avait déjà une commande de 10. On a eu une commande de 10 au forum des associations. La dame, elle voulait déjà nous en réserver. C'est vrai que ça plaît bien. Donc voilà, c'est de l'argent qui permet de justement payer les grosses factures vétérinaires. Alors, il est malheureusement le temps de se quitter. Bah, cette conversation aurait pu durer plus longtemps pour moi. Alors, Nelly et Chantal, je vous remercie d'avoir été avec nous et j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que vous reviendrez nous voir, parce qu'on a encore des choses à dire. Ben, merci à vous de nous avoir accueillis. Merci à vous, oui, d'avoir accueilli. Ça fait un bon moment à passer ensemble, c'est bien, voilà. C'est sympa. Oui, j'ai beaucoup aimé aussi. Alors j'espère que cette interview vous permettra aussi de vous donner davantage de visibilité à Remiremont et ses alentours. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle d'Autour de vous. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Laura. Bye. Merci tout le monde. Merci à vous.